L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étoile massive a été observée devenir un trou noir en disparaissant soudainement, sans passer par la case supernova habituelle. Les astronomes appellent ce phénomène une supernova ratée. 30% des étoiles massives pourraient former ainsi des trous noirs très discrètement. Cette étoile de 25 masses solaires portait le petit nom de N6946BH1. Elle se trouvait dans la galaxie spirale NGC 6946, célèbre pour avoir produit de nombreuses supernovas, dont une encore visible actuellement, découverte le 14 mai, SN 2017 EAW. Cette galaxie voisine est surnommée à ce titre la galaxie du feu d'artifice. Elle est située à 22 millions d'années-lumière, 10 fois plus loin que la galaxie d'Andromède. L'équipe américaine qui publie ses observations dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a utilisé tout d'abord le Large Binocular Telescope, le LBT, puis les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer pour essayer d'observer un éventuel résidu à l'emplacement de l'étoile disparue. Scott Adams, de l'Ohio State University, aujourd'hui à Caltech, et ses collègues cherchaient justement ce type d'objet, ces supernovas ratés, lorsqu'ils ont trouvé, entre guillemets, la disparition de N6946BH1 avec le LBT en 2015. Quelques années auparavant, en 2009, la luminosité de l'étoile avait fortement augmenté, mais très loin du niveau atteint par une supernova. L'observation de la zone avec Hubble pour voir si l'étoile était toujours là, mais de très faible luminosité, n'a donné qu'un résultat négatif. La recherche en infrarouge avec Spitzer, qui aurait pu indiquer un fort obscurcissement par des poussières, n'a donné, là aussi, qu'un résultat négatif. L'étoile ne semble vraiment plus là. Après un précautionneux processus d'élimination, les astrophysiciens concluent que l'étoile s'est bien transformée paisiblement, entre guillemets, en trou noir. La seule trace observable est une très faible luminosité en infrarouge observée par Spitzer, que les chercheurs attribuent à de la matière éjectée auparavant par la supergéante rouge et qui est en train de retomber vers le trou noir. Cette observation est une bonne nouvelle, car elle peut expliquer pourquoi on ne voit que rarement des supernovas issues d'étoiles très massives, de plus de 20 masses solaires. N6946BH1 est la première supernova ratée que les astronomes ont trouvée dans leur relevé systématique en 7 ans d'observation. Durant cette période, et dans les galaxies qui étaient suivies, 6 supernovas normales ont été détectées par l'équipe de Scott Adams. Les astronomes ont conclu qu'environ 10 à 30% des étoiles massives pourraient finir leur vie en s'éteignant, entre guillemets, ainsi en trou noir, sans exploser. Et il se trouve que 30%, c'est justement le taux de supernovas manquantes, compte tenu du nombre estimé d'étoiles très massives qui devraient exploser en supernova avant de finir en trou noir. Cette observation a une autre implication également très intéressante. Lorsque ces étoiles très massives de plus de 20 masses solaires s'effondrent en trou noir sans exploser, c'est quasi toute leur masse qui se retrouve dans le trou noir, et pas uniquement le cœur de l'étoile comme dans le cas des supernovas classiques de type 2, qui expulsent de grandes quantités de matière de leur enveloppe. Cela implique que le trou noir formé dans une supernova ratée est déjà relativement gros, avec plus de 20 masses solaires. On se rappelle que les premiers trous noirs trouvés par leurs ondes gravitationnelles, par LIGO, avaient des masses proches de 30 masses solaires, considérées comme étonnantes, voire anormales. Le phénomène de supernova ratée, menant à des trous noirs massifs, résoudrait très facilement cette question. Ce processus peut aussi avoir une implication sur l'origine des tout premiers trous noirs très massifs, sachant que les premières étoiles étaient pour nombre d'entre elles des monstres de plus de 100 masses solaires. Maintenant, les astronomes prévoient de suivre N6946BH1 avec le télescope Chandra pour prouver définitivement la présence d'un trou noir grâce aux émissions de rayons X associées au disque de matière qui doit l'entourer. Et dans le doute, il souhaite également continuer à chercher si l'étoile serait encore là, non seulement avec Hubble, mais aussi avec le futur télescope Webb, dès qu'il sera en service. L'article annonçant cette belle observation est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, et il a pour titre « The search for failed supernovae with a large binocular telescope, confirmation of a disappearing star » par Adams et ses collaborateurs. Je mets le lien de l'article des Monthly Notices ainsi que le lien du preprint sur Archive que vous pouvez consulter librement. Voilà, en bas du billet sur Ça se passe là-haut, bien sûr. Allez, restez bien à l'écoute, donc sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, rappelons-le, le blog où l'univers des supernovas et des trous noirs se contemple indéfiniment. Oui, oui, oui. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Et puis, les pieds sur terre, hein. Et si Bételgeuse devenait un trou noir directement, tiens. Oh. Allez, salut, à la prochaine.